On va parler des Saguenay-Lac-Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, c'était le dernier week-end de la saison. On sait maintenant contre qui les Saguenay vont jouer. Ils vont affronter les Tigres de Victoriaville. On va faire une autre table ronde cette semaine donc avec notre ami Pascal Lévesque. Mais on va parler des deux matchs puis, et on va préparer la table pour cette table ronde-là. Donc, c'était contre les Drakkars de Bécomo. Ouais, deux performances, je dirais, plutôt différentes. Vendredi soir, une belle victoire des Sags au Centre Georges Vézina face aux Drakkars de Bécomo. Célébration d'avant-match quand même assez longue. On honorait les joueurs de 20 ans, les trois, Antoine Marcoux, Joey Ratel, Julio Bilia, et aussi les deux joueurs qui ont passé les quatre dernières saisons avec nous et qui s'en vont dans les professionnels l'année prochaine, c'est-à-dire Nicolas Roy et Frédéric Allard. Deux en plus qui ont été repêchés à Chicoutimi. L'un dans l'uniforme des Screaming Eagles, passé au Saguenay dans l'été suivant. Et bon, l'autre, Frédéric Allard, un choix très, très, très intéressant à ce moment-là pour les Sags, avait demandé aux gens s'ils allaient l'aimer, s'il allait l'aimer parce qu'il venait de Québec. Puis bon, on a posé la question avant le match à Frédéric, puis il a répondu que oui, effectivement, il avait senti l'amour à des partisans des Sags à son endroit. Ça a été un match quand même assez émotif. Première période quand même assez bonne pour les Sags, un but dans les 90 premières secondes. Kelly Climat qui a repris là où il avait laissé mercredi dernier à Québec avec deux buts. Marqué un but très tôt dans la rencontre qui a donné des ailes aux Sags, mais le Drakkar n'a jamais abandonné comme ça a été le cas tout au long de la saison. Puis ça a donné un match quand même assez serré, là, puis une belle victoire de 3-1 vendredi soir dernier face au Drakkar. Mais là, le samedi, on arrive à Bécomo. Avant le match, c'est déjà rendu 2-1, 3-1, 4-1 pour Batters face aux Islanders de Charlottetown. Honnêtement, j'étais pas avec les joueurs, mais moi je le savais avant le match que le match avait peut-être un peu moins, je dirais, d'incidence sur la suite des choses. Une victoire, probablement qu'on affrontait les Olympiques de Gatineau et une défaite les Tigres de Victoriaville. Bon, mais ça a été une défaite, puis ce sera les Tigres de Victoriaville pour la suite des le début des séries éliminatoires. Ce qui est le fun, c'est qu'on a vu Alexis Schenk défendre la cage des Sags parfaitement pendant les 10 dernières minutes du match face au Drakkar samedi dernier à Bécomo, gardien d'avenir chez les Saguenay, puis il a bien fait ça, le jeune homme. Okay. Ça a été un match un peu plus difficile, émotif aussi, puis à un moment donné, tu sais, faut que les joueurs arrêtent là, d'essayer de se battre en troisième période quand on sait qu'il n'y a plus vraiment de suite là, ou d'incidence au classement avec une victoire ou une défaite. Ça n'a pas été le plus grand spectacle, mais ça a été quand même un bon match de hockey junior. Puis les partisans du Drakkar en eux pour leur argent. Deslauriers, en étant son dernier match local à 20 ans devant ses partisans, peut donner un bon show à leur équipe. Antoine Samuel, le gardien, a été très bon aussi devant la cage du Drakkar de Bécomo. Ça a été une des clés pourquoi les Sags ont réussi à l'emporter dans le match, parce que ça a été quand même serré au chapitre des lancers puis des chances de marquer. Mais le gardien du Drakkar a été meilleur que le nôtre dans ce match-là. Hey, dans mon voyage que j'avais fait à Philadelphie avec Richard Letourneau, de fil en aiguille, on se parlait pas mal, puis il me disait que l'avenir des Sags, puisque l'an prochain, avec Bilia puis Potvin, les Sags, ils vont perdre les deux gardiens de but, sauf que avec le gardien que tu as nommé, puis l'autre aussi, l'avenir devant le filet des Sags est pas mal assuré. Ouais, ben pour le prochain repêchage de la LHGMQ, à moins qu'il y ait un exceptionnel qui se présente dans un endroit qui est pas vraiment, tu sais, qu'on pourrait l'avoir à rabais au repêchage, il y aura peut-être transaction ou un choix qui sera délégué pour un gardien à la prochaine séance de repêchage à Saint-Jean l'été prochain. Mais ce que je parle avec les gens de hockey des Sags, Alexis Schenk aura 17 ans l'année prochaine, Samuel Cardinal 18 ans, puis un autre gardien, un certain Larrivé, là, j'oublie son prénom. Qui joue dans le collégial cette année, mais qui a été signé par les Saguenay de Chicoutimi, appartient aux Sags, et lui aussi là, pourrait brouiller des cartes. C'est trois gardiens qui mesurent plus de 6 pieds, qui sont quand même grands et gros dans leurs espaces. Schenk est un gardien qui aime ça, se battre pour la rondelle. Il compétitionne devant son filet. Samuel Cardinal est un grand bonhomme, gros bonhomme, de très bonne technique de gardien de but. L'autre jeune homme, l'arrivée, c'est un projet à long terme, mais a beaucoup de talent et aime ça beaucoup aime ça être gardien de but. Puis ça peut changer les choses là, dans les prochaines années. Mais les trois gardiens pour pour le prochain camp d'entraînement, là, ça va être les trois que je viens de vous nommer. Peut-être d'autres aussi qui seront invités, mais pour les deux postes qui seront en jeu l'année prochaine, malheureusement, je pense que Xavier Potvin va être victime d'un surnombre de joueurs de 19 ans cette année qui peuvent revenir comme 20 ans l'année prochaine, mais je suis convaincu qu'il y a une équipe qui va lui faire signe à quelque part dans la LHJMQ. Prouvé cette année, quand Julio était blessé en début de saison, qu'il était capable de garder l'effort pendant plusieurs matchs consécutifs. Tu sais, la crainte qu'on avait avec Xavier, c'était, bon, c'est pas un très gros gardien. Puis un gardien, ça perd beaucoup d'eau dans un match de hockey. Tu sais, ça reste les 60 minutes devant sa cage. Puis Francis Desrosiers disait dans le temps qu'il pouvait perdre 10 à 15 livres pendant un match. Puis peut-être même plus dans certaines rencontres. Dans le cas de Xavier, tu sais, quand tu goals deux ou trois matchs dans une fin de semaine, ben, on avait peur qu'il disparaisse là, sous le poids de son équipement. Mais vraiment pas. C'est un, tu sais, il y a du père dans le nez plus qu'on le pensait, je pense, dans le cas de Xavier Potvin. Puis je suis convaincu que l'année prochaine, il y a une équipe de la LHJMQ qui va lui faire un poste là, de 20 ans là, devant la cage. A été très bon. Devrait être de retour au jeu là, pour le début de la série contre les Tigres de Victoriaville. Puis bon, ben, c'est sûr que c'est Julio Bilia qui va être le gardien pour la première ronde. Mais Xavier sera pas loin, puis Alexis Chang sera pas loin non plus s'il y a quelque chose du côté des gardiens de but. Bon, donc on va surveiller ça de très près. On va mettre la table pour la série contre les Tigres. Comment tu vois ça? Est-ce que, bon, Yannick Jean, ça va être une série qui va être assez moitié. Yannick Jean contre son ancienne équipe. Est-ce que les Tigres, est-ce que les Tigres peuvent aller peuvent gagner un ou deux matchs dans cette série-là? Ah, ils peuvent même gagner la série. C'est un club compétitif. Mais sauf que la différence, c'est que les Sags ont fait beaucoup de mouvements de personnel, ont acquis des gros joueurs. Les Tigres, on peut regarder la parade passée, la dernière période des transactions. Puis c'était peut-être leur stratégie. Ils se sentaient peut-être pas prêts à compétitionner avec les équipes de tête. Chez les Sags, c'est la fin d'un cycle. C'est le départ de Nicolas Roy, Frédéric Allard, puis Julio Bilia. Puis on voulait les entourer avec Joey Ratel, les frères Climat. Olivier Galipeau à la défense, des joueurs qui étaient des leaders dans chaque équipe où ils jouaient avant ça, les amener avec les Sags, ça a peut-être été un peu plus difficile à tout mettre ça ensemble, mais dans les derniers matchs de la saison, on a vu des belles choses. On a vu Climat commencer à produire, les deux Climat ensemble, parce que quand Kelly marque, c'est probablement Kevin qui lui a fait la passe. Là, ces deux-là sont partout ensemble sur la glace, puis dans les feuilles de pointage, c'est pas mal la même chose aussi. Ratel fonctionne quand même bien, s'impose physiquement. Galipeau à la défense, c'est un général, donne de l'air à Frédéric Allard puis aux autres défenseurs qui l'entourent là dans la brigade des Sags. Il se passe des belles choses, puis je pense que cette année, malheureusement pour les Tigres, c'est plus l'année des Sags que l'année des gens de Victoriaville. Puis ça va paraître là, peut-être en 5 ou en 6 matchs. Là, j'ai pas encore décidé si ça va être en 5 ou en 6, ma prédiction, mais ce sera les Sags qui vont vaincre les Tigres en première ronde des séries. Ça, c'est à peu près certain. Puis dans les autres séries, ben il reste encore beaucoup d'analyses à faire. Peut-être la seule surprise qu'il pourrait y avoir en première ronde, ce serait les Olympiques de Gatineau face aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Il n'y a personne qui voulait affronter les Olympiques pour plusieurs raisons. C'est pas facile d'aller jouer à Gatineau. L'aréna Robert-Guertin est un endroit intimidant pour des joueurs de hockey. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance. Ça pue. Je dirais pas que ça sent le hockey. Je dirais là-bas que ça pue le hockey du côté de l'aréna Robert-Guertin. Ce sera les Screaming Eagles qui auront le dieu de faire face aux Olympiques, qui sont une équipe quand même assez dangereuse. Était pas dans les favoris, mais était vu dans les deux, trois premiers de la division Ouest là, au début de la saison. Malheureusement pour eux, ont terminé dans les derniers pas mal. Ont pas connu une très, très grande saison. Le congédiement du coach à la mi-saison, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'arrivée d'un nouvel adjoint. Il y a eu beaucoup de changements. Puis bon, dans les derniers matchs de la saison, on a quand même connu une bonne séquence là, pour les Olympiques de Gatineau. S'il y a une surprise, puis si les Sags gagnent la première ronde, ça nous permettrait d'éviter les Sea Dogs de Saint-John en deuxième ronde. Ce serait soit les Huskies de Rouyn-Noranda ou s'il y a deux surprises, les Cataractes de Shawinigan. Mais les Cataractes de Shawinigan, ça a été une dernière séquence, un dernier mois de hockey assez difficile. Puis bizarrement, on commençait à casser un peu quand ils ont perdu contre les Sags ici au Centre Georges Vizina. Ouais. Je vois pas très bien avant, mais réussissaient à s'en sortir. Puis on les a un peu ébranlés du côté de la confiance. Je pense que Claude Bouchard a toutes les choses nécessaires, puis aura de la motivation supplémentaire. Est un ancien entraîneur gagnant avec les Foreurs de Val-d'Or. Lui et Mario Durocher ont gagné les deux la Coupe du Président avec les Foreurs. Ils vont s'affronter derrière le banc en première ronde des séries. Hâte de voir ce que ça va donner comme duel. Yannick Jean, Louis Robitaille, ça va se parler dans les médias interposés. Claude Bouchard et Mario Durocher aussi du côté de la série Cataract. Écoute, ça va être du bonbon en première ronde. Il y a de très, très bonnes séries qui s'annoncent dans la LHJMQ. Très hâte de voir ça s'amorcer. Ça commence jeudi. Ça va être un match entre l'Armada et les Voltigeurs de Drummondville, là aussi. Tu sais, Joël Bouchard d'un côté, avec Dominique Ducharme de l'autre. Les deux étaient impliqués avec Hockey Canada. Il y a plein de bons espoirs dans les deux matchs, dans les deux équipes. Dubois avec l'Armada, qui a pas connu peut-être les succès comptés avec son équipe depuis son acquisition à la période des transactions. Mais très hâte d'avoir les séries de la Coupe du Président cette année. Ça s'est décidé dans les dernières minutes, tous les duels. Mais ça va être vraiment plaisant pour les amateurs qui sont gagnants, là, je pense, de la première ronde des séries cette année. Sébastien, on s'en parle plus tard cette semaine avec Pascal Lévesque, le descripteur des matchs d'éthique de Victoriaville. On devait faire ça aujourd'hui, mais finalement, j'ai décidé de retarder ça un peu. Question de me documenter plus sur les séries, je vais avoir de l'air plus intelligent pour vous parler. Ben bon apprentissage, Danny. Non, mais c'est pas que je suis pas capable de vous suivre. Non, C'est bien correct, ça. J'apprécie ta préparation. Puis Pascal Lévesque, tes auditeurs vont le connaître. C'est un personnage qui est très, très, très coloré. Lui aussi est, comme moi, un ami des arbitres de la LHJMQ. Parle-nous pas de l'arbitrage pendant 15 minutes, parce qu'on peut t'en entretenir pendant longtemps, puis on pourrait se mettre dans le trouble au cours des activités de la Ligue. Mais Pascal est un gars qui suit les activités des Tigres depuis de nombreuses années, oui. Descripteur des matchs, va nous donner un bon spectacle, je pense, là, dans la table ronde qu'on va faire. Je pense que ça va être ça. Je réfléchis tout haut. Je pense que pendant la série SAG Tigres, ça va être la même affaire lundi prochain. On va te réunir tous les deux. Ça va être ça pas mal. Je te suis, Danny. OK, ben merci beaucoup. Puis organise-moi une entrevue avec Yannick Jean aussi. Avec plaisir. Et Sébastien Morin, descripteur des matchs des SAG.